Ce vendredi à la vie en BD, on plonge dans l'histoire, celle de Québec par ses bâtiments disparus avec Francis Desharnais et Louis-Pascal Rousseau, celle du quartier La Petite Patrie à travers le trait de Julie Rochelot et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour plonger dans l'univers du 9e art. Un univers qui sera vraiment en lien avec l'histoire cette semaine. On le mentionnait d'entrée de jeu. Donc, Histoire de Québec en fait une nouvelle série qui est présentée du côté des musées de la civilisation en collaboration avec Parenthèse 9, une série sur laquelle j'ai le plaisir de collaborer, qui s'appelle Planche d'histoire. Et il y aura une première lancée mercredi prochain, le 3 février, sur l'histoire de Québec à travers ces bâtiments disparus. Alors, une conférence dessinée, un historien, un bédéiste. Comment ça s'articule? On va en jaser dans quelques instants avec Francis Desharnais qui, décidément, est en train de devenir un abonné de l'émission. On en fera peut-être un chroniqueur, sait-on jamais. Et parallèlement, l'historien Louis-Pascal Rousseau. En deuxième partie, un album qui, en fait, je pense d'entrée de jeu, vous savez, si vous êtes un auditeur régulier de l'émission, que j'aime bien ce titre. Il est dans mes coups de cœur Québec de 2015. La Petite Patrie aux éditions La Pastèque de Julie Rochelot, scénariste de Normand Grégoire à partir du roman de Claude Jasmin, vraiment le trait de Julie Rochelot qui nous entraîne cette fois dans l'histoire d'un quartier de Montréal, dans des ruelles, dans des rues, un éclairage vraiment intéressant. On avait envie de vous en parler plus en détail. Alors Julie Rochelot sera avec nous en deuxième moitié d'émission. Également en fin de parcours, il y aura Marco Duchesne, notre libraire en résidence, qui viendra parler de quelques coups de cœur et titres qu'il a eu l'occasion de lire ces derniers jours. Alors c'est le menu pour cette semaine. Sinon, dans l'actualité, évidemment, ce sera le cas cette semaine, ce sera le cas, bon, pas la semaine prochaine, puisqu'on saute l'émission de vendredi prochain, on va se retrouver le 12 février. Mais pour aujourd'hui et le 12, on va parler d'Angoulême, c'est pas mal incontournable. Et là, déjà, ben, on a su qui était, après moult controverses, tergiversations et le reste, qui serait le Grand Prix de la ville d'Angoulême 2016. Je vous rappelle que c'est le dessinateur et scénariste, Alan Moore, Claire Wendling et Herman, qui étaient en lice pour succéder à Katsuhiro Otomo. Eh ben, au deuxième tour donc de l'élection du Grand Prix, c'est Herman, âgé de 77 ans, qui a été choisi pour recevoir la récompense. Et déjà, en fait, on rappelle, dans le trio de finalistes l'année dernière, il avait été élevé au rang de chevalier des arts et des lettres en 2009. Il est dessinateur et scénariste d'origine belge. Il a démarré avec Greg, évidemment, mais sa première série solo, c'est Jérémia, amorcée en 1977. On lui doit aussi Sarajevo, Tango, Katinga, On a tué Wild Bill, ou toute une série d'albums qu'il a réalisé avec son fils Yves H. au scénario, Les Liens de sang, Zongyo, The Girl from Ipanema, Sans pardon, des albums qui abordent une multitude de genres. On passe du western au récit d'anticipation, l'aventure, la saga médiévale, le thriller, le fantastique. Son tout dernier album, réalisé avec Yves H., Old Pa Henderson, est sur la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis au début des années 50. Ah ben voilà, donc Herman qui succède au japonais Katsuhiro Otomo, qui sera l'invité d'honneur du festival en 2017, en signé l'affiche également. Ah ben voilà, si on veut voir un peu l'ambiance ou l'esprit peut-être d'Herman à la réception de ce Grand Prix, on peut se reporter en janvier 2014 où il a déclaré en entrevue à 20 minutes, il avait dit, j'ouvre les guillemets, la gloire est une chose qui ne m'intéresse pas d'ailleurs, pour être tout à fait franc, j'ai même demandé l'an dernier à une dame de l'organisation de s'arranger pour que je ne fasse même pas partie des nominés. Je voulais exprimer mon désarroi, mais je ne peux pas empêcher les gens de proposer mon nom. Bref, je serais très embarrassé si je recevais le Grand Prix parce que je le refuserais. Finalement, il ne l'a pas refusé. Il y a eu intervention, ça et là, et bref, donc il a accepté cet honneur. Autre actualité liée à Angoulême, Benjamin Reynard qui a recueilli les faveurs du jury d'enfants du 43e festival pour le prix pour son livre Le Grand Méchant Renard. Ah ben voilà, en fait, une récompense qui s'ajoute à plusieurs autres, il faut le mentionner. Le Grand Méchant Renard, qui est la première bande dessinée de Reynard, qui était co-réalisateur côté cinéma d'Ernest et Célestine, qui avait eu le César du meilleur film d'animation en 2013. Je vous rappelle que Le Grand Méchant Renard raconte l'histoire d'un petit renard ridicule qui, moqué par ses proies, entend bien devenir la terreur du poulailler. Et dernier notule d'actualité, on parle des éditions Ça et Là, en fait, qui a publié sur un blog un petit bilan. Je trouve intéressant de le porter à votre attention, puisqu'il s'agit quand même d'un petit éditeur européen, donc c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe et quelle est leur réalité dans le contexte d'un marché d'édition qui, on s'en rappelle, notamment avec le rapport Ratier au fil des dernières années, ben où le marché est vraiment dominé par trois joueurs majeurs au niveau de l'édition. Et ben donc, je vous rappelle que Ça et Là, créé en 2005, dirigé par Serge Wendt, ont dressé donc un bilan de 2015 qu'ils ont décrit comme une année mouvementée mais finalement équilibrée. Un constat qui est intéressant car si l'année s'est terminée sur plusieurs succès, notamment Tungsten avec 4575 ventes, Comment écrire un polar suédois sans se fatiguer ou encore Trashed, le bilan global reste en forme de montagne russe, donc une médiane de vente qui reste stable mais très basse, environ 1000 exemplaires. Elle était de 1105 exemplaires en 2014 et on dit que la moitié des livres de Ça et Là sortis en 2014 se sont vendus in fine à moins de 667 exemplaires. Donc on souligne que le tableau de vente étalé sur deux années reflète bien mieux la réalité de vente de ce côté. Donc c'est intéressant quand même de voir que ben, pour des petits éditeurs, c'est vraiment un combat de tous les jours là, pour réussir à tirer son épingle du jeu. Et finalement, qu'un petit éditeur en France ben, va avoir une situation qui est peut-être à certains égards similaire à celle d'un petit éditeur au Québec, du moins. Le jeu des comparaisons peut se faire, peut s'effectuer. Alors voilà pour ce petit clin d'œil. On s'en va en musique. La formation qui nous accompagne cette semaine, c'est Phantom Galaxy et on écoute immédiatement un premier extrait. Également pour vous rappeler que vous pouvez suivre La Vie en BD sur Facebook, facebook.com/laVieenBD. Les émissions également sont disponibles en balado diffusion sur laVieenBD.wordpress.com. Et maintenant, porte un regard sur l'événementiel court terme. En fait, mercredi prochain, 3 février, nouvelle série qui débute au Musée de la Civilisation. Ça s'appelle Planche d'Histoire, une série proposée par Parenthèse 9. Et premier opus de cette série va s'intéresser à l'histoire de Québec à travers ses bâtiments disparus. Ce sera une conférence réalisée par le dessinateur Francis Desharnais et l'historien Louis-Pascal Rousseau. Les deux sont avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors, peut-être d'emblée, en fait, on est dans le spectre d'une conférence dessinée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger dans un projet comme celui-là, dans une proposition comme celle-là? Ben, si, pour ma part, c'est ça fait quand même plusieurs fois que je collabore avec différentes disciplines artistiques, que ce soit l'art audio ou la danse ou avec différents musiciens. Mais en poussant la réflexion, je me suis dit, ben, il n'y a pas que les autres arts auxquels le dessin et la bande dessinée peut se mixer. Il y a aussi la recherche, la science et l'histoire. Et en plus, l'histoire et la bande dessinée ont toujours fait très bon ménage. Alors, je me doutais qu'il y avait matière à bien arrimer les deux. Transparence totale, Louis-Pascal Rousseau est un ami de longue date avec lequel j'avais envie de collaborer, mais c'est surtout un historien qui a une feuille de route impressionnante, là, autant au niveau académique que professionnel. Donc, pour toutes ces raisons... Mais vous voyez que c'est un ami de longue date. Il va tout de suite avec les compliments. Mais il faut dire, en fait, Louis Pascal, tu travailles dans les humanités numériques. Tu travailles comme consultant en histoire pour te travailler pour différentes organisations, institutions. Tu as travaillé sur différentes séries aussi, notamment pour Radio-Canada, La Grande Traversée, qui va commencer prochainement. Entre autres choses, effectivement, tu as quand même un gros curriculum. Donc, de ton côté, c'est un peu se lancer sans filet aussi dans un contexte plutôt nouveau. En fait, ça reste une conférence, mais il y a un petit astérix à côté, là. Oui, c'est nouveau, mais en même temps, c'est en continuité avec plusieurs activités que je fais, mais je ne suis pas seul. Il y a plein d'historiens qui essaient, en quelque sorte, de faire en sorte que la connaissance historique sorte un peu de la tour d'ivoire universitaire, qu'elle se diffuse. Tant mieux si ça se fait avec un côté ludique. Quand Francis me proposait la chose de faire cette conférence là qui mélange en quelque sorte dessin et connaissance historique, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. C'est tout à fait en continuité là avec J'imagine que le défi, c'est justement de trouver aussi la connexion, on dit, entre dessin et sciences historiques. Mais justement, de quelle manière on fait l'adéquation? Est-ce qu'on axe un peu sur le côté de récit? Est-ce qu'on va jouer un peu sur le côté visuel, le côté explicatif, sur un peu tous ces champs-là? Donc, comment on réussit à trouver ce terrain d'entente-là? Ben, c'est un peu tout, dans le sens où, justement, l'idée, c'est de briser un peu le moule de la conférence standard. Donc, c'est de trouver... Parce que là, comme si je prends par exemple la conférence qu'on va donner, on va évoquer entre 6 et 8 bâtiments de la ville de Québec, et puis chacun de ces bâtiments-là a son histoire propre, sans faire de jeu de mots, avec lequel on peut tenter d'essayer différentes approches au niveau du dessin. Essayer de voir qu'il y ait un lien plus proche entre le conférencier et le dessinateur, ou que le dessin vive sa vie par lui-même, ou bon que c'est ça. En fait, bref, il y a toutes sortes de façons qui sont possibles. Oui, et c'est peut-être pertinent de mentionner que on va parler et dessiner durant cette conférence-là autour du thème de bâtiments historiques de Québec, mais de bâtiments disparus, des bâtiments qui ont été construits au cours de l'histoire de la ville et qui, pour une raison ou pour une autre, ils sont disparus. Et donc, on va évoquer l'histoire de la construction de ces bâtiments, le vécu et l'histoire de la disparition. Qu'est-ce qui reste de ces bâtiments-là? Parce que des fois, il y a, même si le bâtiment lui-même est disparu, il laisse une empreinte patrimoniale, on va dire, dans le tissu urbain. Donc, on va aborder tous ces thèmes-là. Voilà. Est-ce que tu as des exemples justement de bâtiments disparus qui vont être traités, abordés dans la conférence? On peut en évoquer quelques-uns. Je vais quand même garder des surprises pour ceux qui vont se présenter. Mais on va commencer, si on veut, avec les origines de Québec. Ce que j'appelle le premier mystère de Québec, c'est le village amérindien de Stadacone qui avait été... côtoyé par Jacques Cartier lors de son arrivée en 1535 et par la suite avec Robert Val, tout ça. Mais ce village amérindien-là, on en a des descriptions. Il y a des villages semblables qui ont été trouvés ailleurs dans la vallée du Saint-Laurent, mais pour une raison dont on va discuter durant la conférence. Il a disparu et on essaie depuis de le retrouver. Il y a des archéologues, des historiens qui sont penchés sur la question. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. On pourrait en évoquer d'autres. Ça va en avoir à peu près 8 au total, donc approximativement. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est difficile à compter parce que souvent, sur le site d'un bâtiment, il y a un enchaînement d'événements qui fait en sorte, par exemple, si je prends le palais épiscopal de Québec, qui était situé au parc Montmorency, pour vous situer, là, c'est en haut de la côte de la montagne. Aujourd'hui, c'est un parc très, très joli, avec un très beau point de vue, mais il y a déjà eu à cet endroit-là un enchaînement de plusieurs bâtiments, le palais lui-même, ensuite le premier parlement, le deuxième parlement, il est arrivé toutes sortes de choses qui ont fait en sorte que les bâtiments se sont succédés dans le temps. Donc, il vient un moment où c'est difficile d'établir une ligne entre un bâtiment qui est recyclé, un bâtiment qui est modifié, qui est partiellement détruit, partiellement reconstruit. C'est difficile de compter formellement. Là. Et en même temps, là-dedans, j'ai l'impression qu'on se retrouve aussi avec une narration autour du bâtiment. Chaque bâtiment a sa vie propre, ses mystères. Donc, il y a là quand même une belle matière à aller puiser au niveau de l'illustration, du dessin. Oui, tout à fait. D'autant plus que ce sont des bâtiments, bon, on l'a dit, disparus. Donc, le dessin est comme un outil assez parfait pour leur redonner vie, si on veut, et évoquer justement ces différentes transformations qu'il y a pu y avoir dans leur vivant, si on veut. Et pour bâtir un peu le dessin, est-ce qu'on va chercher justement un peu de visuel, on s'inspire de ce que c'était, ou on s'amuse un peu, ou au contraire à détourner un peu ce que c'était, donc la manière un peu, ou un peu des deux? Ou... Un peu tout ça, je dirais, dans la mesure où il existe quand même une variété de recherches et d'images qui existent de ces différents bâtiments-là, souvent des peintures d'époque. Moi, j'aime bien, bon, on sait, je fais souvent du croquis d'événements, ou bon, mais j'ai absolument pas inventé ça. Il y a des gens qui ont peint des batailles. Qui ont peint le palais Saint-Louis dont on parlera, Louis Pascal me disait que Samuel de Champlain lui-même était un dessinateur, donc c'est l'idée du dessin qui accompagne le quotidien, le réel, un peu toujours été là, ce qui fait qu'on peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Mm-hmm. Donc, de proposer une nouvelle façon de voir ces bâtiments-là, mais aussi, oui, il y aura parfois utilisation d'anciennes sources d'images. Et en même temps, en fait, tu le mentionnais, t'as déjà un bagage de BD reportage, que ce soit pour des événements culturels, pour de l'actualité. De quelle manière, en fait, ça vient se différencier, là, quand on parle d'une conférence dessinée, parce que, dans le fond, le travail de BD reportage que tu ferais, bien calé dans ton siège, en train de sketcher pendant que le spectacle a lieu, mais dans un contexte où tu as droit à l'erreur, où t'explores, et là, tu te retrouves plutôt, dans le fond, derrière, à l'écran, pendant que le travail, pendant que la conférence a lieu, donc j'imagine que c'est y a des similarités, mais il y a des défis très différents. Oui, mais en même temps, il y a, pour certains tableaux, on va appeler ça comme ça, j'ai quand même tenu à garder un peu ce côté-là reportage, comme si j'étais moi-même sur place à l'époque de Stade Aconé, tu sais. Bon, je tiens à dire, j'aurais pas tenu 5 minutes dans ces environnements-là, mais on va dire que je suis là, je dessine, puis je dessine ce que je vois, entre guillemets. Mais ça sera pas toujours ça, donc, parce que ça reste quand même un spectacle. Donc, il y a préparation, on a préparé différentes approches du dessin, différentes façons d'utiliser le dessin. Donc, la différence, elle est là principalement. C'est qu'on se prépare, mais on s'inspire de ce que j'ai déjà fait comme parcours. Et on parlait de Sans Filet tantôt, de Pascal Rousseau. Est-ce que c'est une expérience similaire un peu où, de ton côté, bon, tu as une habitude de conférences, soit académique, grand public ou autre, et là, tu te retrouves avec un autre acteur avec qui tu partages la scène, avec une perspective visuelle aussi que tu dois donner un peu à ton propos. Donc, Qu'est-ce que ça change un peu côté dynamique pour toi? Ben, en fait, c'est un peu, je vais utiliser un anglicisme en espérant qu'on me le pardonne, mais c'est un peu un work in progress à deux, cette conférence-là. Il y a tout un aspect, on va dire, un peu didactique de l'histoire, mais je ne veux pas qu'il soit lourd. À mesure que je parle, que je décris les choses se construisent sur l'écran. Francis les dessine et ça se peut qu'il fasse des aberrations, j'espère bien, puis ça va me permettre de le reprendre et possiblement de relancer une discussion sur un détail. Par exemple, on va revivre l'arrivée de la Coupe Stanley à Québec, puisqu'elle a déjà été gagnée à Québec par une équipe de hockey, les Bulldogs, en 1912 et 1913. Et donc, on va recréer la scène. Et bien sûr, quelqu'un qui a un imaginaire très contemporain peut dessiner, par exemple, une équipe de hockey qui joue entourée d'une grande foule, tout ça. Mais il faut savoir que à l'époque où la Coupe Stanley a été gagnée à Québec, ça s'est passé dans une patinoire couverte, et il y avait à toute fin pratique, pas de place pour une foule. Quelques spectateurs tout le tour, mais c'était pas un spectacle à grand déploiement. Ça s'est gagné dans l'intimité. On va tout recréer ça visuellement. On a gagné la coupe et personne l'a vu. Ah ben la famille était là certainement. Ça n'a pas la même résonance aujourd'hui alors qu'on rêve de coupe que les gens ne s'en peuvent plus alors qu'il y a une centaine d'années, mais c'était relativement intime comme succès. C'est quand même particulier quand on y pense, justement. Oui, mais quand on regarde les joueurs qui gagnent la coupe, encore aujourd'hui, ils ont beau être devant une foule, ça reste une relation intime entre le joueur et sa coupe, au bout du compte. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'un regard en arrière comme ça permet d'avoir, j'ai l'impression, des résonances, de voir un peu comment s'est bâti notre patrimoine, notre culture, comment s'est construit notre ville, finalement. Ben, c'est un peu ça. En fait, ce sont quelques exemples qui vont être évoqués, mais ces exemples-là, comment dire, ils parlent pour quelque chose qui est plus grand qu'eux. En fait, on parle en quelque sorte de l'intérêt pour le patrimoine, parce qu'on va voir la façon dont ces immeubles-là disparaissent. C'est souvent par des décisions qui sont très financières, très circonstancielles, un incendie, bon, ça coûte trop cher de rénover, bon, on préfère tout raser, puis on reconstruit à neuf. Et au bout du compte, à travers tout ça, on découvre qu'il y a une approche de pensée à long terme qui doit être adopter lorsqu'on regarde un bâtiment patrimonial. Il faut se dire, oui, ça coûte cher, oui, le patrimoine, ça peut être, on va dire, encombrant administrativement. Il y a toutes sortes de considérants qui font en sorte que le patrimoine, c'est compliqué. Puis c'est le fun de raser des fois. Mais des fois, ça vaut la peine peut-être de penser un peu plus loin, puis de dire, est-ce qu'on peut recycler? Est-ce qu'on peut réaménager les choses? Est-ce qu'on peut mettre en valeur du moins certaines parties d'un bâtiment? Il y a toutes sortes de solutions. On n'est pas toujours dans la solution bulle de verre. Faut que tout reste intact à la pierre près. La conférence, en quelque part, est une façon, pas d'imposer des solutions, mais de faire réfléchir les gens sur ce type de raisonnement-là. Oui, surtout dans un contexte où on pourrait avoir l'impression, Québec ville du patrimoine, qu'on en a gardé beaucoup, et oui, on en a gardé beaucoup, mais on en a perdu beaucoup, que ce soit par des choix administratifs, que ce soit par des incendies qui étaient multiples à une certaine époque, que ce soit par d'autres mystères, comme celui de Stadacone. Mais il y a eu pas mal d'événements qui ont amené quand même Québec à beaucoup avoir à se débâtir et à se rebâtir au fil du temps. Effectivement. Et à travers tout ça, ce sont les choix qui, bien souvent, à court terme, ont paru extrêmement douloureux à faire, là, lorsqu'on rentrait dans des grands chantiers de rénovation, de mise en valeur du patrimoine. Mais ce sont ces choix-là qui ont donné à Québec un caractère si particulier, puis qui attirent des gens de partout dans le monde aujourd'hui, là. Et ça, dans un contexte d'une conférence où, peut-être un peu en fait, comme dans d'autres approches multidisciplinaires, comme l'impro BD, par exemple, auquel t'as participé, Francis Desharnais, on se retrouve un peu dans une dynamique à deux vitesses où le dessin nécessite un certain temps pour être créé, où la parole est beaucoup plus rapide. Comment on joue aussi avec ces deux rythmes de mise en place-là? Ben, c'est une adaptation, je veux dire. Le dessin est rapide, mais peut ne pas l'être. Oui, c'est vrai que c'est possible, on le fait avec l'impro BD, de faire des dessins en quelques secondes, mais l'avantage d'une conférence, où c'est justement ce qu'on peut prendre le temps de développer un peu plus, de faire des dessins, bon, dans mon cas, plus beaux, mais alors qu'à l'impro BD, il fallait être souvent plus efficace, donc ça permet ça, puis on s'en privera pas de justement de prendre le temps de faire une belle illustration, ou bon, en même temps, on prend le temps, mais il y a des fois il y a des bâtiments où qui comment je peux dire qui grandissent très rapidement ou qui se font démolir très rapidement ou qui ont une vie assez tumultueuse si on veut là pour la durée de la conférence. Alors même là le dessin a peine à suivre. Fait qu'il faut trouver des façons de quand même raconter cette histoire là sans s'arrêter à un seul moment qu'on ferait le dessin. Il faut essayer de tenir compte de la vie au complet du bâtiment. Donc, c'est ça. Encore des défis. On verra de quelle manière, justement, vous relevez tout ça. Je rappelle, c'est mercredi, le 3 février. C'est à 19h au Musée de la Civilisation. La conférence s'appelle « Planche d'histoire. Raconter Québec par ses bâtiments disparus ». Ce sera avec le dessinateur et auteur BD Francis Desharnais, l'historien Louis-Pascal Rousseau. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous. Et nous, on repart en musique, toujours avec cette formation, qui est Phantom Galaxy. Voilà leur album, Dillo's Infinite Adventure. On écoute un extrait qui s'appelle Ripple Effect. Toujours avec vous jusqu'à 18h30, évidemment, toujours avec cette émission La Vie en BD. Avant de passer à nos autres rencontres, j'avais absolument envie de vous mentionner, de vous parler d'un album qui a été diffusé l'an dernier du côté de Rue de Sèvres, le sculpteur dernier-né de Scott McLeod. Ça fait quand même un certain temps, d'ailleurs, qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir cet artiste. Il est bien connu, Scott McLeod, pour ses BD théoriques autour de la bande dessinée, également pour ses comics, notamment. Alors, il nous revient cette fois-ci avec un roman graphique à une structure quand même assez ambitieuse. On parle tout de même d'une brique de 500 pages. Donc, on découvre dans cette brique au départ un homme brisé, un homme au rêve de création artistique, donc qui veut être sculpteur, mais aussi en quête de renommée, en quête d'appréciation des autres. Donc, un sculpteur qui veut devenir une vedette de son milieu, une référence, et pour qui de plus en plus le temps dans son esprit peut être un peu compté parce que il a connu un succès très bref, fugace, et peine à retrouver cet élan créatif-là, un élan créatif qui lui permettait d'être reconnu par ses pairs, donc ce qui fait n'est pas nécessairement suffisamment intéressant, si on peut dire. Son inspiration n'est pas nécessairement non plus. Il a perdu son emploi, il cherche à poursuivre son métier, il est sur le bord de mettre une croix sur cette carrière. Et finalement, il est dans un café, il se retrouve en avant d'un homme qui lui parle, qui met en relief un peu tout ce qu'il a vécu. Cet homme-là, c'est un de ses oncles, Harry, et il se rencontre en cours de route que ce Harry est décédé. Il se rappelle en fait que Harry est décédé, et donc évidemment, la personne qui est devant lui n'est pas Harry, mais est quelqu'un d'autre. Finalement, on creuse un peu et on découvre que cette personne, mais en fait, c'est la mort qui est là pour lui offrir un marché. Donc, il pourra réaliser ses rêves les plus fous, du moins avoir un outil pour peut-être réussir à le réaliser. Donc, un sculpteur de pierre, évidemment, faire une sculpture, ça prend un temps fou. Alors, il peut lui donner le pouvoir de façonner la matière avec simplement ses mains. Mais par contre, en échange, ben, il ne lui restera que 200 jours à vivre. Donc, à partir de ce moment-là, ben, le chronomètre démarre. Il n'a que 200 jours pour accomplir son rêve. Donc, il essaie, il fait des rencontres, il trouve un amour qu'il n'espère qu'être fugace parce qu'il sait ses jours compter. Bref, c'est un peu le contexte général et on découvre vraiment ces 200 jours au fil de ces 500 pages. Donc, cette quête de popularité, cette quête de l'amour et le reste. Et on découvre tout ça à travers une mise en scène qui est certes classique, mais dans laquelle McLeod réussit vraiment à mettre de l'avant le côté humain de ses personnages, vraiment tous ces êtres qui peuplent les pages du sculpteur sont tridimensionnels, sont riches, sont denses, on se prend à leur drame, on suit ce qui se passe, on suit le rythme qu'il insuffle évidemment à ces différentes histoires, à travers un mélange des genres réussis où vraiment le sculpteur a son côté très super-héros, un côté très tragique, un côté très romantique également, une réflexion sur l'être, sur la vie, sur nos objectifs, sur nos volontés, un côté psychologique qui est très riche également. Alors vraiment, on se retrouve avec une histoire qui est très bien équilibré, un mélange qui, peut-être sur papier, et je vous en parle comme ça, peut-être vous dites, ben, comment ça peut prendre? Eh ben, ça prend. C'est la nature de la bête, en fait. On sait pas exactement comment ça va prendre, mais ça prend, ça marche. Les personnages ont vraiment leur propre vie, une narration qui est bien pensée, qui est bien calculée, un beau découpage. Donc vraiment, c'est un livre qui est à lire, en fait, j'aurais tendance, je l'ai lu un peu à retardement, mais je le rajouterais probablement, voire même assurément dans mon top 5 de 2015. Là. Donc vraiment quelque chose à lire. Si vous avez l'occasion, si ce n'est déjà fait, Le Sculpteur, là, le dernier Scott McCloud aux éditions Rue de Sèvres, je vous recommanderais là, sans honte et sans crainte. Alors voilà pour ce petit clin d'œil et on repart en musique. Écoute de la vie en BD au 89.1 CKRL. Et ben dernière demi-heure de l'émission, on la débute cette dernière demi-heure en portant un regard sur un album qui s'appelle La Petite Patrie, qui est sorti l'an dernier aux éditions La Pastèque. Donc en fait, comme à l'habitude, janvier-février, on est toujours un peu en mode de rattrapage de titres dont on tenait à vous parler. Et ben en fait, c'est un titre qui est scénarisé par Normand Grégoire d'après le roman de Claude Jasmin qui est dessiné par Julie Rochelot. Et elle est avec nous au bout du fil. Julie Rochelot, bonjour. Bonjour. Alors, ben, d'emblée, en fait, c'est une BD qui nous replonge en arrière vers une autre époque, donc les années 40, la petite patrie de Montréal de cette époque-là. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce projet, vers l'univers de la petite patrie de Claude Jasmin? D'abord et avant tout, c'est l'initiative de Normand qui me l'a proposé. Et moi, c'était un add-on tout à fait génial parce que après avoir fait La Colère de Saint-Thomas, c'est une BD passée à Paris. C'est super le fun de faire ça, mais c'est un peu loin de moi quand même. Moi, j'aime beaucoup ma ville puis l'histoire de ma ville. Puis on m'a proposé de reprendre le classique québécois comme ça qui se passait en plus dans mon quartier. C'était un peu c'était parfait. Puis ça met en vedette des enfants justement, fait que. Il y avait un côté un peu plus ludique à la chose, puis j'ai embarqué là-dessus tout de suite. Oui, puis en fait, j'ai l'impression, vous avez mentionné Fantômas, dans lequel on était dans un univers d'anti-héros, un brin grand guignolesque, et là, on passe à un récit qui est peut-être plus intimiste à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de ceux qui habitent ce quartier-là, donc il y a un gros changement d'échelle d'un travail à l'autre, là, si on peut dire. Ben oui, en fait, c'est ça. Fantômas, c'est la grosse aventure sans bon sens. Et la petite patrie, c'est la petite tranche de vie, justement. Il y a pas de grande énigme avec une révélation fracassante à la fin. C'est vraiment au jour le jour, il se passe des choses dans le petit monde des enfants, dans le petit monde de Montréal de cette époque-là, qui était quand même assez refermé sur lui-même, qui empêchait pas non plus certaines ouvertures et réflexions, même dans la tête d'un petit garçon de 8 ans. Ça me changeait complètement de ton, complètement d'univers. J'avais besoin de ça, puis j'en ai vraiment raffolé. Et Claude Jasmin, il écrit des personnages tellement colorés, en plus. tu peux pas faire autrement que juste tomber en amour avec ça. Et justement, comment on adapte un peu le travail, le trait, parce qu'on reconnaît justement votre trait, votre approche, vos couleurs, mais en même temps, on sent qu'il y a vraiment, justement, une proposition qui est vraiment pensée en fonction de l'échelle à laquelle, justement, vous proposez la petite patrie pour mieux décrire, présenter, mieux nous happer dans cet univers-là. Donc, comment on adapte un peu? Ben, en fait, comment on adapte un peu, justement, pour ce changement d'échelle? Comment on envisage, comment on aborde le travail? Je sais pas si j'ai vraiment eu une grosse réflexion là-dessus. Je pense que je suis allée selon mes envies. C'est sûr que c'est le récit de quelqu'un de vivant qui a vécu. Bon, peut-être que c'est un peu romancé, mais ça reste l'histoire de quelqu'un de vrai. De personnel. Après, faut se l'approprier un peu quand même, mais bon, c'est ça. Ça reste dans le quartier, ça reste un petit peu entre nous. Donc, c'est sûr que j'allais y aller avec quelque chose de beaucoup plus doux, de moins flash, puis de moins violent, peut-être visuellement, avec les contrastes de couleurs et tout ça, que dans Fantomas. Après, c'est aussi des petits garçons qui jouent à la guerre, tu sais, ils sont vraiment dans leur tête, et puis c'est des bagarreurs, c'est des titanes. Donc, il y avait aussi ce côté-là que j'ai pu exploiter quand même d'action, puis de rebondissement puis de dynamisme. Oui, pouvoir sentir le grand contexte historique qui est derrière le quotidien puis qui vient influencer ce quotidien-là ou la perception qu'on peut en avoir. On parlait de guerre, mais il y a la peur de l'autre aussi qui vient un peu dans la dynamique de ce conflit mondial-là, de ce que ces gens-là en entendent à travers la radio et le reste. Oui. Tu sais, Claude Jasmin, il en parle un peu dans son livre, mais il parle surtout des habitants de son quartier puis de ce que lui faisait. Normand, quand il a fait l'adaptation, il a vraiment pris certaines anecdotes du livre, il les a mis dans un ordre chronologique inventé par lui. Et il a pris quand même beaucoup de liberté. Puis ensuite, ensemble, en faisant des recherches justement pour se remettre dans l'esprit du temps, bien, on tombe sur des anecdotes, des choses comme ça, qu'est-ce qui se passait en 1940? Ah, c'est une des élections, on a des langues de boue contre Maurice Duplessis. C'était intéressant, on devrait le plugger en quelque part. Puis il y avait d'autres choses aussi qui, je trouvais que ça avait non seulement un lien avec l'histoire, mais en plus, moi, ça me touchait personnellement. Donc, on a essayé d'insérer ici et là aussi des clins d'œil, des trucs qui venaient peut-être enrichir encore cette espèce de visite de cette époque-là. Je sais pas, bon, je m'exprime pas très bien, mais je trouvais ça intéressant de justement en rajouter un peu plus, ajouter ce petit vernis-là. Qui nous rappelle d'où on vient, dans le fond. Oui, puis en même temps, d'aller justement, de pas dire, bon, OK, on va simplement réécrire le texte qui est déjà très parlant, qui est quand même visuel aussi, mais justement que la BD apporte quelque chose de plus, de différent à l'adaptation télé, au roman, au reste. Ben oui, mais l'adaptation télé, déjà, est assez loin du livre. Ça se passe même pas à la même époque. Dans la petite patrie, le téléroman, le personnage de Claude Jasmin, Clément, est adolescent. Alors que dans le roman, il y a entre, tout dépendant de l'anecdote, il y a entre 5 et 10 ans. Mm-hmm. C'est autre chose. Et puis nous aussi, ben, on va pas faire une adaptation pour juste répéter la même chose. D'ailleurs, en lisant les écrits de Claude Jasmin, ça n'a pas besoin d'images. C'est très parlant. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre justement qu'est-ce qui nous a charmé là-dedans, puis le raconter à notre façon, avec notre voix à nous. Donc, Normand, son écriture, puis moi, mes dessins. Puis les dessins, en fait, on mentionnait d'entrée de jeu, je pense que la couleur reste vraiment au cœur de ce que vous présentez, de ce qu'on a eu l'occasion de voir de vos travaux. En fait, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu au cœur de votre approche narrative? Ben, la couleur, c'est un morceau de la narration, aussi important que les autres. C'est juste un état de choses. C'est assez intuitif, en fait, tout ça. Je pense pas. Peut-être que dans ce cas-ci, la palette, c'est sûr qu'elle était beaucoup plus limitée que dans Fantomas. Il y avait une question de temps, mais il y avait aussi une question de j'ai envie d'essayer d'autre chose. Je pense pas qu'il y ait une réflexion plus poussée que ça. Et puis, c'est ça, on sert de la couleur, mais tu sais, je suis aussi intéressée à faire de la BD en noir et blanc. On se sert de la ligne, on se sert des cartes, des millions d'éléments qui sont narratifs en BD puis qui forment en tout. Ben ensuite, c'est ça qui donne le ton, c'est ça qui donne la voix puis le style. Oui, puis donner le rythme. En fait, on est à la course dans les ruelles, on passe dans les appartements, que ça coule bien, en fait, planche en planche aussi, comme ça. Oui. Et Julie Rocheteau, pour la petite patrie, est-ce que, en fait, je lance une hypothèse, mais j'ai un peu l'impression que vous avez travaillé sur support traditionnel, qu'on sent un peu les traits de crayon, qu'on sent un peu le côté papier. Oui, j'ai toujours travaillé moitié traditionnel, moitié numérique. L'enfantement, c'était pas mal plus laborieux. Il y avait de l'angle, de la gauche, ça d'enfer. C'était des grands formats. C'était long. La petite tâterie, j'avais besoin d'une pause. Alors, en fait, c'est tout le même format. C'est juste du crayon. Avec des couleurs en aplat, très simple, dans Photoshop, ensuite. Et voilà. On voit encore le grain de papier, puis évidemment, le probablement même mes traces de doigts de temps à autre. Mais voilà, ça a été très simple. Ça fait l'impression des fois quand on jase avec justement différents créateurs que quand on tombe à l'ordinateur, il y a un côté perfectionniste, on se permet plus l'erreur, mais en même temps justement les traits, les bouts de doigts, ça donne un côté plus je dirais plus organique à la limite un peu à l'album à mon sens. Ouais, je vais même avouer que des fois je trichais peut-être moins dans le cas de la tri ou d'enfantement justement quand une fois coloré mon dessin, même si je n'avais pas tant retouché, il n'y avait plus l'air assez organique, je le rendais plus organique encore avec l'ordinateur. C'est un peu le monde à l'envers, mais non, c'est ça. Finalement, peu importe l'outil qu'on utilise, on faut donner le rendu qu'on a envie de donner. Là. Et pour créer un peu ces paysages, ces rues, ces ruelles, est-ce qu'il y avait pas mal de référents visuels qu'on pouvait aller chercher ou au contraire, il n'y en avait pas beaucoup puis fallait les inventer ou les interpréter à partir de détails, d'éléments? Ah ben, la petite patrie, je veux dire, c'est un quartier qui existe. Je veux dire, les maisons ont été bâties dans les années 20-30 pour la plupart. Ça l'a pas tant changé. Donc oui, je peux me promener dans mon quartier et prendre des photos tout simplement, sachant que bon, les galeries en 1940, c'est probablement pas les mêmes galeries qu'on a aujourd'hui avec le même fer forgé, mais ça, c'est facile de trouver des photos à la limite. Quand on n'en trouve pas, justement, qui ont même un vrai balcon d'époque, un vieux hangar d'époque, ça fait pas si longtemps. Et puis, en discuter, c'est encore pas mal. C'est plus une question de gros bon sens. Qu'est-ce qui devrait être là? Qu'est-ce qui devrait pas être là? Puis, en plus, bon, tu sais, sur Internet, il y a beaucoup de sites dédiés à la photo historique de Montréal, de toutes les quartiers de Montréal. Il y a aussi la grosse banque de photos du Musée McCord. Fait que non, on manque vraiment pas de références. Puis, quand elle fait référence pas pour mon affaire, ben là, ouais, je vends de quoi, mais c'est généralement pas très nécessaire. Là. Oui, dans le fond, est-ce qu'on vise un peu l'historicité plutôt que la véracité historique? En fait, que ça soit crédible, mais pas nécessairement parfait. Là. Non, faut pas que ça, on s'en fout. C'est pas un documentaire. J'ai dessiné une auto des années 40, pas un modèle en particulier. Je trippe pas assez sur ce genre de détails-là pour mettre du temps là-dedans. Moi, ça va être vraiment, j'aime mieux m'appliquer. À un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. J'aime mieux m'appliquer sur la composition des cases et tout ça. Après, je voulais pas non plus faire des anachronismes par exprès, mais si le feeling années 40, on reconnaît Montréal, si on sort Montréal en 1940, si on reconnaît les petits gars, si on reconnaît un enfant vrai avec ses pensées et ses émotions, ben voilà, on n'a pas besoin d'avoir la vraie marque de chaussure et puis que le coin de rue soit exactement pareil comme il était avant au gravier près, là. En fait, faut favoriser un peu le côté de l'immersion par l'ambiance, par la narration, par le rythme, oui. En disant, ben regardez, justement, on plonge dans l'univers, mais dans le fond, la vérité historique peut devenir un boulet à un certain point pour... Ça dépend des gens. Il y en a qui trient vraiment fort là-dessus, puis ils mettent l'énergie là-dedans, puis il y a les lecteurs aussi qui raffolent de ce genre de choses-là. Alors qu'il y en a que ça leur passe qui par-dessus la tête, je veux dire, c'est à chacun son truc, là. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, mais je ressens pas le besoin d'être à ce point proche des faits. Pour moi, c'est plus raconter l'histoire qui compte, quitte à twister la vérité un peu de temps en temps. D'ailleurs, probablement Claude Jasmin a fait ça beaucoup dans ses livres. Et justement, est-ce que, Julie Rochelot, l'univers de Claude Jasmin, c'est un univers dans lequel vous aimeriez vous replonger après justement avoir travaillé sur La Petite Patrie? C'est sûr que ça serait le fun. Ce serait pas pour tout de suite, mais ben d'une part, c'est sûr que Normand, lui, il y avait des projets, entre autres projets, de refaire d'autres livres de Claude Jasmin. Puis c'est sûr qu'on s'attache aussi à nos personnages, puis c'est sûr que j'aimerais ça les voir grandir. Comme j'ai regardé la série, je me dis que ça serait intéressant de faire notre Claude adolescent, justement, qui est assez vieux pour sortir avec les filles, sa mère va le faire, donc passer sur d'autres aventures, puis ça serait vraiment le fun. Mais bon, c'est ça, c'est spéculation, là, c'est pour le futur. En ce moment, je suis sur autre chose. Alors, on aura le temps de voir venir. Et d'ici là, bien évidemment, on découvre cette petite patrie. Julie Rochelot, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Au plaisir. Bonne soirée. Alors voilà, donc c'était Julie Rochelot, donc dessinatrice sur La Petite Patrie, donc scénario de Normand Grégoire d'après le roman de Claude Jasmin. C'est aux éditions La Pastèque. Je rappelle, c'est sorti l'automne dernier. Et voilà, dernier petit extrait, donc, de Phantom Galaxy, tiré de l'album Dillo's Infinite Adventure, album disponible d'ailleurs sur Bandcamp. Dernière ligne droite de cette émission, avant une petite pause d'une semaine, avant un retour le 12 février prochain. Marco Duchesne, donc, un de nos libraires en résidence, est avec nous. Bonjour. Hey, salut. Marco, comme d'habitude, quelques titres sur lesquels tu attires notre attention. Et le premier m'a intrigué parce que j'aimais beaucoup l'original, BD emblématique, évidemment, Little Nemo's Adventure in Slumberland. Et là, on revient avec Little Nemo, retour à Slumberland. Oui, paru l'année passée du côté anglophone américain, ce Little Nemo, retour à Slumberland. En fait, il y a eu plusieurs essais de poursuivre la, de reprendre le héros et d'en faire une série qui n'avait pas vraiment marché. Là, on a confié la chose à Eric Schanauer, qui nous avait donné une comics qui s'appelle, entre autres, pas Goons, mais un autre, bon, bref, j'oublie le truc, mais le dessinateur Gabriel Rodriguez, c'est celui qui nous avait donné avec John Hill le fameux Lock and Key. Alors, traduit en français par Urban Comics, dans une collection qui s'appelle Urban Kids, qui s'adresse à la jeunesse, on y retrouve un Little Nemo, très moderne dans les couleurs, très moderne dans le dessin, mais dans la narration, dans la manière de raconter, on va chercher toute l'inventivité qu'avait eu Mickey, parce que Mickey, le créateur de Little Nemo, dans les années 1900, c'est-à-dire au début du 20e siècle, Mickey a été un des plus grands, sinon le plus grand, innovateur en matière de langage bédéistique. Il a essayé, il a créé de nouvelles façons de raconter en BD avec son petit personnage, Little Nemo, ce personnage qui est un petit garçon qui, tous les débuts d'aventure, de tous les débuts de cases, une BD qui paraissait dans le journal quotidiennement, et tous les débuts de Little Nemo va se coucher et rêve. Et à la fin de la page, il se réveille dans son lit. Alors, chaque page est une poursuite de l'aventure dans le monde des rêves, le Slumberland. Le Little Nemo de Schanauer et Rodriguez, lui, s'adresse aux enfants, mais je pense que pour apprécier toute l'intelligence et toute le truc de génie qu'ont développé les deux auteurs américains pour reprendre la série, je pense qu'il faut être un adulte pour voir toutes ces façons-là qu'ils ont de raconter l'histoire, de développer l'histoire et de rendre hommage. C'est surtout un très grand hommage à ce qu'avait fait Mickey avec l'ancien Little Nemo. Donc ceux qui aimaient l'univers justement de Mickey peuvent plonger un peu sans crainte, si on peut dire, dans ce retour-là. Écoute, je suis comme toi, moi je suis un fan de Mickey, de cette bande dessinée du début du 20e siècle, du comic strip, qui était à l'origine, c'est là où tout s'est passé, c'est là où tout s'est inventé. Même que Mickey, le créateur de Little Nemo, est un des premiers à avoir fait du dessin animé. Alors, tout ça, les deux auteurs, Schonauer et Rodriguez, vont vraiment puiser vraiment dans ce matériel-là du langage bédéistique pour nous donner un Little Nemo vraiment là jouissif pour le lecteur. Et en étant dans la collection Urban Comics, les jeunes vont tellement aimer ça. Pour eux, pas besoin de connaître cet univers-là de Mickey, de ses comic strips, de toute cette histoire-là. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de plonger dans une jolie aventure d'un petit garçon qui, quand il s'endort, voyage et vit des aventures dans le Summerland, c'est-à-dire dans le monde des rêves. Oui, puis à la limite, en fait, ça peut les amener ensuite vers le chef-d'œuvre de Mickey. Dans Pourquoi le fond, pas? On a une amorce plus moderne pour aller chercher un nouveau public pour cette BD-là. Pourquoi pas? Alors ça, c'est Little Nemo, retour à Slumberland. Marco, on passe à un deuxième titre, Sykes. Oui, voilà. Tu sais que le genre western à la télé ou au cinéma est en stand-by, c'est-à-dire qu'on n'en voit presque plus. Mais en BD, le western n'est jamais mort, n'est jamais endormi. Il y a des parutions de séries, d'albums, de bons westerns qui se font. Et Sykes en est un exemple extraordinaire. Étant un amateur de western moi-même, je sais pas si tu le savais, mais j'essaie de tenir ça secret, tu sais. Alors, Sykes paraît aux éditions Lombard dans la collection signée, donc c'est un album unique, une histoire en un seul album, et c'est scénarisé par Dubois. Dubois qui, lui, est un grand spécialiste des lutins, des elfes, de la fantaisie. Donc, il est un peu à contre-emploi dans ce titre-là. Voilà, et quand j'ai vu apparaître son nom, j'ai bien vérifié que c'était le même Dubois. Illustré par un certain Armand, un jeune auteur. Alors, Sykes, c'est un western qui, lui, va chercher tous les codes du western et nous les rend sans trop, sans extravagance, et qui fait référence à tous les maîtres du western, c'est-à-dire autant en BD qu'au cinéma. On lit Sykes et on y retrouve du Herman. Dessinateur de la série Jérémia, mais qui a fait aussi quelques grands westerns comme la série Comanche. On y retrouve aussi au niveau du cinéma des hommages à John Ford, à Howard Hawks, toutes les classiques dans la façon de raconter. Le dessin est réaliste, puis Sykes raconte l'histoire tout simplement, et il y a des clins d'œil aussi dans Sykes. Sykes est un marshal qui est à la poursuite de bandits, évidemment, mais tombe sur un massacre d'une famille dans une petite ville. Et le seul survivant de ce massacre-là est un garçon. Et le garçon va demander à Sykes de poursuivre les méchants qui ont massacré sa famille et va l'accompagner. Donc, ici, on retrouve le scénario d'un film qui s'appelait True Grit avec John Wayne à l'époque, que les frères Coen ont repris récemment, il y a quelques années. Alors, tout au long de l'histoire, c'est la quête de Sykes, le marshal, et du petit garçon pour retrouver les assassins. Mais on y retrouve la touche de Dubois. C'est-à-dire que il va y avoir, à un moment donné, un épisode où Sykes rêve. Il y a une espèce d'aspect onirique avec des fantômes qui viennent hanter le passé de Sykes. Il va y avoir un duel dans le brouillard avec des opposants. Sykes va affronter des opposants fantomatiques. Mm-hmm. Tu vois, Dubois et son espèce de background un peu fantastique, fantaisiste, ici, il les insère, mais très bien, dans l'univers du western. Alors, une réussite, et avec des clins d'œil, avec un espèce de récit aussi, un récit initiatique, parce que cette quête-là ne va pas durer quelques jours ou quelques mois. Cette quête-là va durer des années. Sykes va vieillir et on va s'apercevoir que le petit garçon aussi a vieilli. Et il va reprendre là où Sykes va avoir abandonné ou va s'être arrêté pour continuer. Donc, c'est une espèce d'héritage aussi. Alors, c'est un excellent western. Les amateurs devraient facilement s'y retrouver. Et j'ai l'impression qu'on reste pour ta troisième proposition cette semaine, Marco. Dans les classiques, l'emblématique Superman, l'homme de demain. Je suis pas un fan de Superman. J'ai toujours été un fan de Batman. Oui, mais en fait, Superman est comme un peu le super-héros léché, un peu parfait. Ben, en fait, il a toujours été le Boy Scout. Ouais. Pour moi, là, il vit à Metropolis où il fait toujours soleil. Et il est parfait, il est invincible. super beau gosse et il y a tous les succès possibles. Moi, ce qui m'a fait lire il y a un an et demi, deux ans, la série Superman, l'homme de demain, c'est que John Romita Jr., un dessinateur que j'aime beaucoup, qui a œuvré au sein de l'univers Marvel pendant tellement d'années, avait signé chez DC pour reprendre la série, et c'est ce qui a fait que j'ai suivi la série de Superman. J'ai pas été déçu, parce que au niveau du scénario, c'est Geoff Jones qui a repris la chose, c'est un des maîtres scénaristes de l'univers DC. Alors, là-dedans, ils amènent Superman à un autre niveau. D'abord, dans le début de la série, celui dont je vous parle, Superman, l'homme de demain, tome 1, Ulysse, Superman va être confronté à un ennemi qui en est pas un. Ulysse vient d'une autre dimension. Ulysse veut secourir les humains, les amener dans un monde parfait, dans un monde où il n'y a pas de souffrance et tout. Alors, Superman va essayer d'aider Ulysse, pas à l'exode humain, mais va essayer de retrouver les parents d'Ulysse qui étaient des humains. Bref, tout ça va donner une espèce de Ulysse est comme le miroir de Superman, cet extraterrestre orphelin qui a été élevé sur la Terre. Alors, il y a une espèce d'effet miroir, et tout ça va finir dans un affrontement, mais titanesque à la fin. Et c'est rendu incroyablement bien par Romita Jr. dans le dessin. Et à la fin de cet épisode-là, Superman va se ramasser à une autre étape de sa vie, c'est-à-dire avec de nouveaux pouvoirs. Et surtout, il va se ramasser avec un inconvénient, c'est-à-dire qu'une journée par année, il va devoir récupérer sans pouvoir. Il va y avoir un aspect humain maintenant chez Superman. Alors ça, c'est mis en place dans Superman, l'homme de demain. Alors je rappelle les trois titres dont Marco a traité, donc Little Nemo, Retour à Slumberland, Psych et Superman, donc l'homme de demain. Marco Duchesne, on se dit à très bientôt. Ah ben salut, à la prochaine. À la prochaine. Voilà, donc c'était Marco Duchesne, l'un de nos libraires en résidence. Et nous, ben, c'est ainsi que se termine cette édition de La Vie en BD. Je vous rappelle, pas d'émission la semaine prochaine. La Vie en BD va être de retour le vendredi 12 février. Entre-temps, vous pouvez continuer de nous suivre sur Facebook ou encore sur nos blogs. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.